أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن الله يا رب العالمين، نحن ما زلنا في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر العبادات. كما ذكرنا عن الإنسان أن يغتنم وقته حتى يزداد في الطاعات، والطاعات لابد حتى تكون مقبولة أن توافق شرع الله، كما بينا في عدة دروس. يعني أنه الإنسان يسأل عن نيته وعن أفعاله، هل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ إذن ثم شرحنا يعني شروط وأركان امتداد الصيام، وهناك الآداب، يعني آداب الصيام، ويتأكد في حق الصائم أن يدع يعني أشياء اللي هي مذمومة ومحرمة شرعا، يعني هو الحرام حرام في رمضان وغير رمضان، ولكن يتأكد أن يترك يعني الغيبة والنميمة وقول الزور وقد روى البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طبعا الإنسان كما قلنا عدة مرات لا يجوز يفسر الأحاديث والآيات القرآنية برأيه. ما معنى الحديث؟ معناها هذا الصيام، يعني إذن الله لا يحب هذه الحالة، هذه الحالة الله لا يحبها، أن الإنسان في الصيام وما زال يفعل هذه المحرمات من قول الزور والعمل به والجهل والكبائر، كما يفعل بعض الناس، والغيبة وشهادة الزور والطعن في المسلم ظلما. هذا يعني يذهب ثواب الصيام، مع أنه لا يبطل الصيام من الكلام الذي يبطل الصيام هو الكفر، أما كذب ليس فيه كفر، أو شتم المسلم، أو الغيبة، النميمة، الكلام البذيء، يعني وإن كان حراما يعني هذا يعني لا يبطل الصوم. بيناه نحن، الذي يبطل الصوم من الكلام هو الكفر، يعني يسب الله، يسب دين الإسلام، يستحل الحرام، يشبه الله بخلقه. أما قلنا هذه الأشياء التي ذكرنا يعني كشهادة الزور والغيبة والنميمة تذهب الثواب، يبقى له يعني تذهب عنه الثواب، يعني الصيام يصح لكن أذهب ثوابه. مثال لو إنسان يعني يصلي ولابس ثياب سرقه، صلاته صحيحة لكن بلا ثواب، هذا عملنا فيه درس كامل يعني، لأنه لابس شيء سرقه، صلاته صحيحة لكن تسمى بلا ثواب. يعني يسموه العلماء صلاة يعني غير مقبولة، ما معنى؟ معناه بلا ثواب، عندما تقول غير مقبولة ما عندهاش ثواب لكن سقط عنه الفرض. كذلك الصيام يسقط الفرض إذا أداه بالشروط الصحة لكن فعل هذه المعاصي التي تذهب الثواب، فيكون ثوابه يعني الصيام غير مقبول مع أنه سقط عن فرض. شو معناتها سقط الفرض؟ معناها ليس فرض عليه أن يقضي هذا اليوم، مثلا صلى في لباس مسروق ليس عليه أن يقضي هذه الصلاة لكن خرج منها بلا ثواب. أما لو صلى بلا وضوء مثال لم تسقط عنه الصلاة، فرض عليه يعيدها. إذا فهذا معنى من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معناها مش معناها أي برا كما يقول بعض الجهال يقول له أنت تفعل كذا يمشي عند فترة أحسن، هذا لا يجوز، هذا الكلام هذا كلام باطل، لأنه لو يذهب يأكل يصير فعل كبيرة فازداد ذنوبا. إذا معنى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معناها الله يعني لا يحب هذه الحالة، لا يرضى عن هذه الحالة، وليس معناه أن الله يحتاج. في كل الحالات الله لا يحتاج، ولو نبي الله لا يحتاج إلى نبي، ولو ملك لا يحتاج الله، الله لا يحتاج لأفضل خلق سيدنا محمد، الله لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى شيء. اللي اعتقد في حق الله الاحتياج لا يكون مسلم، لكن هذا يسمى التعبير، هناك التعبير المجازي البلاغة إلى غير ذلك، وهذا في حث على أن يترك الإنسان يعني قول الزور والكبائر خصوصا في رمضان آخر الشهور. إذا هذا معنى حديث حتى الإنسان يفهم، هذا بالتلقي الإنسان يفهم أحسن، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Donc on a expliqué un hadith, donc on a parlé précédemment des conditions du jeûne, des piliers, ce qui annule. Après il y a les comportements adoptés et il convient particulièrement de s'appliquer mieux pendant Ramadan en évitant notamment les paroles, c'est-à-dire vulgaires, et aussi le faux témoignage qui est un grand péché, insulter le musulman, la médisance du musulman, parler du musulman en son absence parce qu'il lui déplaît. La namima, rapporter la parole des musulmans les uns aux autres pour semer la discorde. Donc ainsi, dans le hadith rapporté par Bukhari, d'après Abu Huraira, que celui qui ne délaisse pas les paroles c'est-à-dire qui sont un grand péché, comme le faux témoignage, et d'agir en faisant les grands péchés. Donc, comme aussi rapporter les paroles des musulmans entre eux pour semer la discorde. Donc, ce jeûne-là, Allah ne l'agrée pas. Allah ne l'agrée pas, ce jeûne-là. C'est-à-dire, ces péchés-là font partir la récompense du jeûne. Même si elles annulent pas le jeûne, parce que les paroles qui annulent le jeûne, c'est les paroles de mécréance. Insulter Dieu, faire ressembler Dieu à ses créatures, donc rendre licite ce que Dieu a interdit, mais insulter les musulmans, dire des paroles qui sont un grand péché, qui ne sont pas la mécréance. Donc là, ça fait partir les récompenses du jeûne, mais ça n'annule pas le jeûne. Donc c'est ça la signification des hadiths, c'est que Dieu n'agrée pas son jeûne. Et ça ne veut pas dire, en fait, parce qu'il y en a, ils vont traduire mot à mot. Donc, la bonne manière, c'est de traduire le sens. Parce que si tu traduis mot à mot, ça donnerait celui qui ne délaisse pas ces choses-là, qui sont un grand péché. Dieu n'a pas besoin cette personne délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça, c'est la traduction littérale, mot à mot. Mais on ne traduit pas mot à mot pour éviter de tomber dans le non-sens ou dans un sens contraire à ce qui est visé par le texte. Parce que d'une, on a dit, Dieu n'a pas besoin ni des prophètes, ni de nous, ni de notre adoration, il n'a besoin de rien. Et de deux, le hadith ne veut pas dire, dans ce cas-là, la personne va, qu'elle ne gêne pas, c'est mieux. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement, celui qui fait ces choses-là, qui sont un grand péché, Dieu n'agrée pas son jeûne. Même si le jeûne est valable, mais ces grands péchés-là font partir. Donc, semer la discorde entre les musulmans, insulter les musulmans, ça fait partir la récompense du jeûne. Donc c'est ça le sens, en fait. Donc ça incite à mieux s'appliquer et délaisser les grands péchés. Les grands péchés que beaucoup y font malheureusement. وبينا إذا غضب إنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ يعني شتمه أو قاتله فليقل إني صائم خفاني لما قلت لهم حديثي كالكان اللي أنشيته Ils disent certes je jeûne, pour se maîtriser en fait lors de la provocation. عن المعصية فلا يطعم الناس يعني لهم ليس مرضى وليس من أهل الأعذار المسافر أو المرأة الحائض غير هؤلاء لا يطعمهم في النهار حتى لا يقع في الكبيرة كما بينا لا يطعم لا مسلم ولا كافر في نهار رمضان إلا في الليل يجوز. Comme on a dit, pour ne pas tomber dans les grands péchés, la personne ne donne pas à manger à des gens qui ne sont pas malades, par exemple, qui ont des monstrueux, des gens qui ont des excuses selon la religion, qui fait que ce n'est pas le jeûne, ne leur incombe pas. Autre que ces gens-là, ils ne donnent pas à manger pour ne pas tomber dans le grand péché, que dans la nuit. Ils donnent à manger la nuit. Donc, il ne donne pas à manger ni à un musulman ni à un non-musulman pendant la journée. Pour quelqu'un, il profite de cette journée pour gagner au maximum de récompenses et ne pas tomber dans les grands péchés. Idan, كذلك يسن يعني أن يفطر الصائمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إذا ما معنى الحديث هنا؟ Donc il est recommandé aussi à donner à manger aux jeûneurs, comme dans le hadith du prophète qu'on expliquera. يعني شرحناه نحن سابقا الحديث وهو معناها الذي يفطر صائم عنده أجر كبير وإطعام طعام سنة إطعام طعام سنة لكن صيام رمضان فرض صيام رمضان فرض فقاعدة عامة قاعدة يحفظها الإنسان أنه الشريعة الإسلامية الفرض أعلى من السنة الشريعة الإسلامية الفرض أعلى من السنة فالذي الصيام الفرض أعلى درجة من إطعام الناس فما معنى الحديث؟ لهذا لا يجوز للإنسان كذلك يفسر برأيه له مثل أجره قالوا العلماء أي له مثل أجره من بعض الوجوه هذا معناه وليس من جميع الوجوه ليس من جميع الوجوه لأن الفرض أعلى هنا يعني في صيام الفرض أما في صيام النفل في الواحد صايم يوم نافلة ليس في رمضان وإنسان أطعمه فقال العلماء هذا سنة صام نافلة وهذا أطعمه سنة فهنا يحتمل أن يكون نفس الأجر لأنه هذه نافلة وهذه نافلة لأنه هذه نافلة وهذه نافلة أما في نهار رمضان صيام نهار رمضان فرض فأعلى من إطعام اللي هو سنة فلهذا له مثل أجري عليها من بعض الوجوه وليس نفس الأجر تماما فلهذا الإنسان يرجع دائما القواعد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا يفسر الحديث برأيه كذلك يعني هناك أحاديث أخرى سنشرحها donc aussi ton hadith qu'on a cité que celui qui donne à manger au jeûneur il aura une récompense comparable à celle du jeûneur Ça veut dire quoi comparable ici? Ça veut dire qu'il aura une grande récompense qui ressemble à la récompense du jeûneur de certains points de vue. Avancez, Barakallahu fikoum. اضطر تصب يعني فوليوم يعني قلبه حتى يكون لهم مكان إن شاء الله. الصوت تعب مع الهواية وكبير إن شاء الله. دونك on a dit quoi? On a dit sur le hadith, il y a des règles dans la religion. On ne peut pas interpréter comme ça. Donc faire attention aux traductions comme ça. La religion, c'est pas. La religion, c'est plus important dans la vie. Donc, on ne devient pas médecin en lisant des livres de médecine à droite à gauche. Mais la religion, c'est encore plus important. On n'apprend pas la religion en allant au marché, au supermarché, acheter des bouquins traduits. Ainsi, on a dit, c'est facile, la religion. Donc, jeûner Ramadan, c'est quoi? C'est obligatoire. Donner à manger pendant Ramadan, c'est sunna. On ne parle pas de donner à manger à quelqu'un, un musulman, il va mourir. Là, ça devient obligatoire. Il va mourir, là, tout de suite, ça devient obligatoire. On ne parle pas de ces cas extrêmes. On parle donner à manger à quelqu'un normal pendant Ramadan, c'est quoi? C'est sunna, c'est pas obligé. Sunna. Et jeûner Ramadan, c'est quoi? C'est obligatoire. Donc l'obligatoire dans la religion, c'est supérieur au recommandé. Donc ça ne peut pas être équivalent. Donc, vous voyez les savants, comment ils prennent en considération les choses pour bien interpréter. C'est pour ça qu'ils sont des savants. Ils voient loin dans l'analyse. Ils vont loin dans l'analyse. Donc ils ont dit, le hadith du prophète, quand il dit celui qui donne à manger au jeûneur, il a une récompense comparable, ça veut dire qu'il a une récompense qui ressemble à la récompense du jeûneur de certains points de vue, mais pas de tous les aspects. Parce que l'autre, il a fait une obligation, celui-là, il a fait un acte recommandé. Et l'obligation n'est pas équivalente à l'acte recommandé. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, si quelqu'un il fait en dehors de Ramadan, il fait une neuf, il jeûne, un jeûne surrogatoire, et l'autre lui donne à manger, ben là, ça peut être équivalent vraiment, parce que là, il fait un acte recommandé, jeûner, l'autre il donne à manger, c'est un acte recommandé, et l'acte donné à manger, il a une grande récompense en islam. Parce que là, c'est un acte recommandé, là, c'est un acte recommandé. Mais si on parle du jeûne de Ramadan, ça ne peut pas être équivalent exactement de tous les points de vue, parce que jeûner le jour de Ramadan est une obligation. Et donner à manger au jeûneur, c'est un acte recommandé. Donc vous voyez les règles de la religion. Ça, c'est les savants qui expliquent. C'est pour ça qu'on a besoin des savants. Et Allah dit dans le Coran, Fas'alou ahl dhikri kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. الدين يعني كيفاش يعني علاش هم علماء علماء مش خاطر عنده لحية وعنده التلمزة ومعروف خاطر يعني شهد له العلماء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة يعني 70 عالم أعطاه الإجازة باليفتي donc savant ça donc ça montre bien savant c'est quoi l'importance du savant. Pas juste quelqu'un qui a une barbe, un doctorat et qui passe à la télé et qui a plein de gens qui le suivent, c'est pas ça, un savant. Un savant, c'est il a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète et les savants lui ont donné l'autorisation pour qu'il donne des fatwas. Comme l'imam Malik, il a dit, j'ai donné le fatwa que après que 70 savants de Médine m'ont donné l'autorisation. Donc c'est ça, un savant. Parce que des gens. Il voit quelqu'un qui a écrit des livres, il l'appelle savant. N'importe qui peut écrire des livres. Laisse Alim Moujarad, c'est que tu peux que ton bout, Marouf ou Machou, laisse Moujarad, un doctorat, Alim, là. Aïe, ouah, il n'a jamais eu un doctorat, laisse Amr Saab. Il n'a pas Alim, il coule chahide là. Ou la main. Ok? إذن قواعد الدين مهمة إذن الفرض أعلى من السنة. كذلك مثال في الحديث في صيام شهر في شوال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ما معنى؟ معناه عنده ثواب عظيم عظيم يشبه كذا. أما إذا إنسان صام ستة من شوال وزاد صام عاشوراء وعرفة وكذا، عنده أجر أكثر بالطبع. مش معناه صوم ستة من شوال وخلاص صاي. إذا إنسان صام رمضان ستة من شوال وصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويزيد عرفة وكذا، عنده أجر أكثر من اللي إنسان صام ستة من شوال ووقف. شفتوا كيفاش الحديث؟ مش معناها صوم ستة من شوال وحبس، معناها حث. هذا طريقة تعبير وكلام، أنه معناها في أجر كبير وفي حث بليغ، هذا معناه. دونك aussi dans un hadith où le prophète il dit celui qui jeûne Ramadan et il fait suivre par 6 de Shawwal, c'est comme il a jeûné toute l'année. Ici, ça veut dire il a une grande récompense. Et ça, c'est une manière de s'exprimer pour inciter à faire cette chose-là et pour montrer l'imminence de cet acte-là. Ça ne veut pas dire fait si Shawwal il ne jeûne plus rien comme Sunna. Non. Si quelqu'un jeûne Ramadan, qui 6 de Shawwal, et il rajoute Arafa, Ashura, les lundis, les jeudis, les jours blancs, etc., ben, il a plus de récompenses que celui qui a jeûné seulement les 6 de Shawwal, il s'est arrêté là. Donc ça ne veut pas dire fais les 6 et arrête-toi là. Mais tout ça, ça reste recommandé. Parce qu'il y a obligatoire que Ramadan. Et puis, obligatoire de rattraper ce que tu n'as pas fait avant. C'est priorité à jeûner, Shawwal et autres choses. Nafila, c'est de rattraper ce que tu n'as pas fait depuis que tu es pubère. Tu n'as pas jeûné les jours depuis que tu es pubère et tu dois les rattraper, absolument. D'abord, il faut faire qbal. Il y a un sal, il faut faire qbal, il faut faire qbal, il faut faire qbal, il faut faire qbal, il faut faire qbal. Salat, zakat, siyam. كلها إجماع عند العلماء أنه فرض تقضي. ما تقولش هذا كفاية مثلا، مش كان فرض عليك تعطي الزكاة، كنت عندك مال وكذا ما عطيتش، تبقى في ذمتك إلى يوم القيامة. زكاة، صيام، صلاة، قضاء مجمع عليه عند العلماء. دونك شي كات ريكول سي اوبليغاتوار دو راتراپي جون بريير زكاة. باغ اكزومبل تافي لي مويان افون تا با دوني تي براتيكي با ا ليبوك. Donc c'est pas valable de dire ah, maintenant ça y est, je me suis mis dans la religion, tout ça c'est du passé. Ça c'est pas vrai. Tu dois rattraper tout ça. Donc l'obligatoire de rattraper, il est prioritaire. C'est prioritaire de rattraper. Et donc al-qada awla min an-nafila. Tarawih, adu salat wa amnaj, mais salish tarawih. Il salli al-fara'id. Yaqdi al-subh. Il yaqdir yabqa fi ma'ahum wa yusalli wahdu yaqdi. Donc tarawih laysa fardhan. أو قيام رمضان أنه التراويح 20 ركعة. صلي قضاء صبح، قضاء صبح، قضاء ظهر، قضاء ظهر. Donc il y a des prières à rattraper. Les gens ils ont commencé à 40 ans à prier, à 50 ans, ben, il doit rattraper tout ça. Donc il passe son temps, au lieu de faire les nafilas avant les prières, il fait 2 ركعة de صبح rattrapage, 2 ركعة de صبح rattrapage, 4 ركعة de ظهر rattrapage, comme ça. Rattrape en priorité, parce que c'est obligatoire de rattraper. Donc il y a l'ordre de priorité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah Ta'ala dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. معنى نبدأ بالفرائض وبعد النوافل. Donc dans le hadith قدسي, le prophète a dit que Allah Ta'ala dit ce qui signifie: mon esclave ne se rapproche davantage de mon agrément que parce que je lui ai rendu obligatoire. Obligatoire d'abord, et ensuite il se rapproche davantage de mon agrément par les nafilas. D'abord les obligations, après les nafilles. Donc ça, c'est l'ordre dans la religion. C'est comme ça. Si on ne suit pas l'ordre de la religion, Shaitan peut jouer de toi et te laisse faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Il t'incite pour délaisser ce qui est obligatoire. Il va mettre ta bâche. Tartib. Il va faire Shara. Shaitan, il va faire ta bâche. نوافل وتترك الفرائض والنوافل إذا تركتها لا تحاسب عليها أما الفرائض تحاسب عليها et les surrogatoires si tu les délaisses tu seras pas interrogé le jour dernier mais les obligations tu seras interrogé الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين ورزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.